Section 24 des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Angoisse. Se peut-il qu'elle me fasse pardonner les ambitions continuellement écrasées, qu'une fin aisée répare les âges d'indigence, qu'un jour de succès nous endorme sur la honte de notre inhabileté fatale? Ô palme, diamant, amour-force, plus haut que toute joie et gloire. De toute façon, partout, démons, dieux, jeunesse de cet être-ci, moi, que les accidents de féerie scientifique et des mouvements de fraternité sociale soient chéris comme restitution progressive de la franchise première. Mais la vampire qui nous rend gentils commande que nous nous amusions avec ce qu'elle nous laisse, ou qu'autrement, nous soyons plus drôles. Roulés aux blessures, par l'air lassant et la mer, au supplice, par le silence des eaux et de l'air meurtrier, aux tortures qui rient, dans leur silence atrocement houleux. Fin de la section 24. Cet enregistrement fait partie du domaine public.